الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. L'ensemble des louanges revient à Allah, qu'Allah couvre d'éloges et salue celui après qui il n'y a plus de prophète. Jour après jour, le croyant est confronté à des épreuves et troubles qui peuvent le toucher à titre purement individuel, mais qui peuvent également toucher ses proches, son entourage, voire l'ensemble de sa communauté. Il s'agit là d'une réalité exposée dans les textes de la révélation et vécue par chacun d'entre nous. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé que cela s'amplifierait lorsqu'il dit « Le salut de cette communauté a été placé dans ses premières générations. Quant à ces dernières, elles seront touchées par des calamités et des événements que vous réprouverez. Des périodes de troubles surviendront, chacune d'entre elles minimisant la gravité des autres. Des troubles apparaîtront et le croyant dira alors « Voilà ceux qui vont me conduire à la perdition. » Puis ils seront suivis par d'autres à tel point que le croyant dira à chaque fois « Ce sont plutôt ceux-là qui vont me faire périr, ce sont plutôt ceux-là. » Passage d'un hadith recueilli par Muslim dans son authentique, selon une narration de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Face à cela, nous n'avons pas été laissés livrés à nous-mêmes. Au contraire, de par ses infinies miséricordes et compassions, Allah nous a certes orientés vers bon nombre de principes en nous imposant de nous y conformer et garantissant à quiconque les observerait la préservation et le salut. Ces principes nous ont été transmis en toute loyauté et fidélité par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sont, de manière immuable, exposés dans les textes du Coran et de la Sunna purifiée. Parmi ces principes, qu'il est d'autant plus impératif d'observer en période de trouble, il y a, premièrement, ne pas s'empresser à diffuser les nouvelles, mais plutôt les renvoyer systématiquement aux personnes aptes à les concevoir sous leur forme réelle. Allah a dit « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Dès qu'une nouvelle rassurante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent. Or, s'ils l'avaient renvoyée aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux qui parmi ces derniers sont en mesure de la concevoir correctement en auraient connu la réalité. » Surat An-Nisa, verset numéro 83. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, décédé en 1376 de l'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en explication de ce verset: c'est là une leçon de discipline qu'Allah adressa à ses serviteurs, afin de les reprendre sur cet agissement ayant émané d'eux et étant contraire à la bienséance. Il leur exposa donc le fait que, lorsqu'une information liée à un événement ou à une affaire relevant de l'intérêt collectif leur parvient, qu'elle soit rassurante et réjouissante pour les croyants ou, au contraire, source de crainte pour eux du fait d'un aspect catastrophique qu'elle contiendrait, il leur incombe obligatoirement de chercher à vérifier cette information et de ne pas s'empresser de la diffuser. En effet, ils doivent plutôt renvoyer cela aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, jouissant de perspicacité, de savoir, d'intelligence et de pondération. Ceux-là même qui connaissent la juste valeur des choses et savent où se trouvent les intérêts d'une part et leurs opposés d'une autre. C'est ainsi que s'ils considèrent qu'il y a un intérêt ou qu'il y a un intérêt à diffuser cette information et que cela peut être une source de motivation et de joie pour les croyants, et qu'en plus cela contribuerait à les protéger de leurs ennemis, ils la diffusent. Mais s'ils voient qu'aucun intérêt n'y réside, ou que la nuisance potentielle est supérieure au dit intérêt, ils ne la diffusent pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit « Ceux qui parmi ces derniers sont en mesure de la concevoir correctement en auraient connu la réalité, dans le sens où ils en seraient arrivés à leur conclusion de par leur faculté de réflexion, leurs opinions avisées et leur savoir empreint de justesse. En outre, ce verset contient une preuve exposant une règle comportementale édictant que, lorsqu'une étude est engagée à propos de la résolution d'une affaire, il convient d'en charger ceux qui sont aptes à la mener et de placer cela entre les mains de ceux qui en sont habilités. Il ne convient donc pas de les devancer dans cela, car leur avis sera certainement plus proche de la justesse et plus à même d'être exempt d'erreur. Ce verset contient également la réprobation visant la précipitation et l'empressement dans la diffusion des informations que l'on vient d'entendre, ainsi que l'ordre de la réflexion et de l'analyse avant de se prononcer afin de savoir est-ce que cela contient un intérêt, auquel cas on s'avance à se prononcer, ou pas, auquel cas on s'abstient. Retournez à Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan à la page 193, et on va donc se contenter de cela pour cette fois-ci, et nous aborderons Inch'Allah le second principe la fois prochaine. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.